我就要了。 J'ai des amis qui aiment la Nice, j'ai des poitos qui aiment le Porto, j'ai un vieux chien qui n'aime pas les punks, j'ai pas 100 balles, je comprends que dalle. Je danse avec la déchéance, cette fille qui se déhanche. Là-bas, j'irai alcoolo, regarder le foot dans un vieux bistrot. Vas-y, serre-moi-en un dernier là. Vas-y, allez. Eh, sois pas chien là. Tu sais, les avions, ils font les nuages. Allez, donne-moi un verre là. Allez. Je danse avec la déchéance, cette fille qui se déhanche. Là-bas, je finirai alcoolo. Regardez le foot dans un vieux bistrot. Allez, un dernier verre là. Pour la réinsertion.